Nord et Sud, d'Elisabeth Gaskell, dans la traduction de Mesdames Leroux et de Lépine. Chapitre 1er, mariage. Edith, répéta Marguerite à demi-voix. Mais, ainsi que Marguerite le soupçonnait, Edith avait fini par s'endormir, couchée sur le sofa du petit salon d'un hôtel de Harley Street. Elle était charmante avec ses rubans bleus et sa robe de mousseline blanche. Si jamais Titiana se fût endormie sur le sofa cramoisi d'un boudoir, Edith eût été prise pour elle. Marguerite la regardait et restait frappée de sa beauté. Élevée avec sa cousine, dont chacun admirait le joli visage, elle n'avait remarqué la figure de sa compagne que depuis le jour où la perspective de la perdre bientôt semblait avoir donné une puissance nouvelle aux qualités et aux charmes qu'Edith possédait. Elle venait de parler des toilettes et des fêtes auxquelles son mariage donnerait lieu, du capitaine Lennox dont le régiment se trouvait alors à Corfou, de tout ce qu'il avait raconté de cette résidence où il conduirait Edith aussitôt qu'il serait allé en Écosse visiter la famille du capitaine, de la difficulté d'avoir là-bas un piano qui conserve l'accord, difficulté qu'Edith semblait considérer comme l'un des événements les plus fâcheux qui puissent lui arriver dans la vie. Puis, revenant à parler des robes qu'elle emporterait en Écosse, elle avait baissé la voix, balbutié quelques paroles confuses et se repliant sur elle-même, elle s'était endormie, malgré le bruit que faisaient en causant quelques personnes réunies dans le grand salon voisin. Marguerite allait lui parler à son tour de ses projets et de la vie qui l'attendait au presbytère du village qu'habitaient ses parents, presbytère où elle avait toujours passé les vacances, depuis 10 ans que la maison de sa tante était devenue la sienne. À défaut d'auditeur, elle se mit à rêver au changement d'habitude qu'amènerait sa nouvelle existence, doux rêve où se mêlait pourtant le regret sincère de ne plus voir ceux qu'elle allait quitter. Tout en songeant avec bonheur à la position importante de fille unique et adorée que bientôt elle occuperait au presbytère d'Hellstone, elle saisit quelques bribes de la conversation qui avait lieu dans la pièce voisine où sa tante causait avec 5 ou 6 femmes qui avaient dîné chez elle et dont les maris étaient encore dans la salle à manger. Ces dames, de l'intimité de Mrs. Shaw, étaient des voisines qu'elles appelaient ses amies parce qu'elles les avaient fréquemment à sa table et qu'au besoin elles pouvaient, sans scrupule, les aller voir avant la collation. C'était en cette qualité d'amie qu'elle les avait invitées à l'occasion du mariage de sa fille et pour leur faire ses adieux. Edith s'était d'abord opposée à cette invitation. Le capitaine devait arriver le soir même par le dernier convoi. Elle aurait préféré le recevoir en famille. Enfant gâtée, mais cependant trop indolente pour vouloir fortement quelque chose, ses objections tombèrent devant cette considération importante que sa mère avait commandé les friandises et les primeurs destinées à combattre la tristesse des convives dans un dîner d'adieu. Elle se contenta de protester pendant tout le repas, en s'appuyant au dos de sa chaise et en restant silencieuse et distraite pendant que chacun applaudissait aux bons mots de M. Gray, l'invité de fondation de Mrs. Shaw, celui qui occupait le bas bout de la table dans tous les dîners qu'elle donnait et qui, de retour au salon, demandait à Edith de faire un peu de musique. M. Gray n'avait jamais été plus aimable, et le séjour de ces messieurs dans la salle à manger se prolongeait plus que d'habitude. Il faisait bien, à en juger par les fragments de conversation qui parvenaient à l'oreille de Marguerite. « J'ai beaucoup trop souffert, » disait Mrs. Shaw à ses amis. Non pas que ce bon général ne me rendît fort heureuse, mais une si grande différence d'âge est un grave inconvénient que j'étais bien résolu à épargner à mon Edith. Faiblesse maternelle à part, j'avais toujours prévu que cette chère enfant se marierait de très bonne heure. J'ai dit bien des fois qu'on me l'enlèverait avant sa 19e année. J'avais été frappé comme d'un pressentiment lorsque le capitaine Lennox... La voix de Mrs. Shaw avait baissé tout à coup. Mais Marguerite pouvait suppléer facilement aux paroles qu'il ne lui arrivait plus. Sa tante avait cédé à son pressentiment, et loin de contrarier les amours du capitaine, elle l'avait en quelque sorte poussé au mariage, bien que ce fût un parti au-dessous des espérances que les amis d'Edith avaient conçues pour cette jeune et charmante héritière. Mais Mrs. Shaw répondait que sa fille unique ne ferait jamais qu'un mariage d'inclination, et soupirait profondément en disant cela, comme si l'amour n'avait été pour rien dans son union avec le général. À vrai dire, elle jouissait plus que sa fille elle-même de ce qu'il y avait de romanesque dans les projets qui venaient d'être conclus. Non pas qu'Edith ne fût vraiment éprise du capitaine, mais elle aurait certainement préféré un bon hôtel dans Belgrave Square à l'existence qu'elle devait mener à Corfou, et dont Sir Lennox lui faisait une description si pittoresque. Elle détestait cette vie active, dont les détails enflammaient l'esprit de Marguerite, et montrait un effroi d'autant plus vif des difficultés matérielles qui l'attendaient, qu'elle éprouvait un véritable plaisir à se faire assurer par son adorateur. Cependant, quelle que fût sa répugnance pour la vie d'aventure, si quelqu'un se fût présenté aujourd'hui avec un riche domaine, rehaussé même d'un titre, elle n'en aurait pas moins choisi le capitaine, tout en regrettant que Sir Lennox ne réunissait pas tous les avantages qu'on pouvait désirer. Elle était bien la fille de sa mère, qui, après s'être mariée volontairement au général Shaw, dont la position l'avait séduite, passa toute sa vie à gémir d'avoir épousé un homme qu'elle ne pouvait aimer. « Je n'ai rien épargné pour son trousseau, » reprit la mère d'Edith. « Je lui ai donné jusqu'au superbe cachemire et aux écharpes de l'Inde qui me venaient du général et que je ne porterai plus. » « Elle est bien heureuse, » dit une voix que Marguerite reconnut pour être celle de Mrs. Gibson, Lady qui s'intéressait d'autant plus à la conversation qu'elle venait de marier l'une de ses filles quelques jours auparavant. Hélène désirait de tout son cœur avoir un châle de l'Inde, mais c'était d'un prix tellement extravagant que je fus obligé de le lui refuser. Elle va être bien jalouse en apprenant qu'Edith en a plusieurs. Comment sont-ils? Avec de jolies petites bordures? Est-ce de Delhi qu'ils viennent? Mrs. Shaw, se levant à demi de son fauteuil, jeta les yeux du côté du boudoir, appela sa fille et se laissa retomber sur son siège comme épuisée par l'effort qu'elle venait de faire. « Elle dort, chère tante, » répondit Marguerite. « Auriez-vous besoin de quelque chose ?»« Pauvre enfant !» s'écrièrent toutes ces dames en apprenant cette nouvelle douloureuse, exclamation à laquelle le bichon microscopique de Mrs. Shaw répondit par ses aboiements. « Chut, Tinny, vilaine petite bête, vous allez réveiller votre maîtresse. » « C'était pour dire à Newton de descendre les cachemires de ma fille. Voudrais-tu y aller, Marguerite ?» La nièce de Mrs. Shaw monta dans l'ancienne chambre d'enfant située au dernier étage, où Newton raccommodait d'anciennes dentelles dont on avait besoin pour la toilette de noces. Tandis que la femme de chambre allait chercher, non sans murmurer, les châles qu'elle avait déjà exhibés 4 ou 5 fois depuis le matin, Marguerite promenait un regard pensif autour d'elle. C'était dans cette pièce, où elle avait passé 9 ans de sa vie, qu'on l'avait amenée toute sauvage des bois qu'elle habitait alors, pour partager la demeure, les leçons et les jeux de sa cousine Edith. Elle se rappelait l'impression pénible que lui avait causée cette chambre, qui lui avait paru si obscure, et où présidait une gouvernante cérémonieuse et grave, terriblement sévère à l'endroit des mains sales et des robes déchirées. Elle se souvenait du premier thé qu'elle avait pris dans cette pièce, tandis que son père et sa tante dînaient à une profondeur infinie, car à moins, pensait-elle, que toutes les marches qui la séparaient d'eux ne lui eussent fait atteindre le ciel, il devait, après les avoir descendues, être au moins dans les entrailles de la terre. À Helstone, c'était le cabinet de toilette de sa mère qui lui servait de chambre, et comme on dînait de bonne heure au presbytère, elle mangeait avec ses parents. Combien la belle Marguerite d'aujourd'hui se rappelait la douleur de la petite fille d'alors. Pauvre enfant, qu'elle avait versé de larmes pendant cette première nuit, cachant sa tête sous son drap sans pouvoir parvenir à étouffer ses sanglots, et pleurant de plus belle chaque fois que la bonne lui avait dit de se taire pour ne pas réveiller Miss Edith. Enfin sa tante, qu'elle ne connaissait que de la veille, était venue tout doucement dans la chambre avec Mr. Hale pour lui montrer sa petite fille. La pauvre Marguerite avait essuyé ses yeux et fait semblant de dormir, pour ne pas laisser voir son chagrin à son père, qui en eût été malheureux. D'ailleurs, elle n'osait pas le montrer devant sa tante, et puis elle pensait qu'elle avait tort de pleurer, après toutes les espérances qu'avait fait naître la proposition de Mrs. Shaw, tous les sacrifices que l'on avait faits chez elle pour mettre sa garde-robe à la hauteur de sa nouvelle position, et la peine que son père avait eue à quitter sa paroisse pour la conduire à Londres. Maintenant, elle aimait cette sombre pièce, toute désorganisée qu'elle fût. Elle regardait ces tristes murs avec un sentiment de regret analogue à celui des chats, en pensant que dans 3 jours elle partirait de cette maison pour ne plus y revenir. « Nous serons bien tristes de quitter cette bonne vieille chambre, n'est-ce pas ? » dit-elle à Newton. « Au contraire, » répondit celle-ci, « j'en serai bien aise. Mes yeux ne sont plus aussi bons qu'ils étaient autrefois. On y voit goutte ici. Je suis obligé, pour accommoder mes dentelles, de me mettre à côté de la fenêtre, d'où l'on sent un vent qui serait capable de vous faire mourir de froid. Soyez tranquille, vous aurez à Naples autant de lumière et de chaleur que vous pouvez en désirer. Gardez tous vos raccommodages pour l'époque où vous y serez. Ne vous dérangez pas, Newton. Vous êtes occupé, je vais emporter les châles. » Marguerite descendit chargée des cachemires qui répandaient autour d'eux leur parfum oriental. Sa tante la pria de rester là pour servir en quelque sorte de mannequin sur lequel on put draper les châles, puisque Edith continuait à dormir. Elle s'y prêta de bonne grâce, et il ne vint à l'idée de personne que sa belle taille faisait ressortir à merveille les plis magnifiques de ses cachemires splendides qui auraient écrasé la charmante Edith. Elle resta donc au milieu du salon, passive et silencieuse, pendant que sa tante ajustait les draperies sur ses épaules. De temps en temps, elle s'apercevait dans la glace, quand on la tournait du côté de la cheminée. Elle se souriait alors, et touchant les plis du cachemire, dont le tissu moelleux et les couleurs brillantes lui causaient un véritable plaisir, elle jouissait comme une enfant de se voir parée avec tant de splendeur. La porte s'ouvrit tout à coup, et le domestique annonça M. Henry Lennox. Quelques-unes de ces dames reculèrent, à demi confuses de l'intérêt tout féminin qu'elles prenaient à cette exhibition. Mrs. Shaw tendit la main à l'arrivant, et Marguerite, toujours immobile, pensant qu'on pouvait avoir besoin d'elle, regarda Mr. Lennox d'un air souriant et comme assuré de lui voir partager le sentiment qu'elle éprouvait de la position assez plaisante où elle était surprise. Mrs. Shaw, absorbée par les questions qu'elle adressait à Mr. Henry Lennox à propos des membres de sa famille qui devaient arriver avec le capitaine, ne s'occupa plus des cachemires. Marguerite, supposant que ses épaules n'étaient plus nécessaires, alla causer avec les convives de sa tante que celle-ci paraissait avoir oublié. Edith sortit bientôt du boudoir et, tout éblouie par l'éclat des bougies, clignant des yeux et rejetant en arrière ses boucles légèrement froissées, elle apparut dans le salon, où elle produisit l'effet de la Belle au bois dormant lorsque le chevalier vient interrompre ses rêves. Elle avait senti qu'un Lennox était là et valait bien la peine qu'elle s'éveillât pour lui. Que de choses d'ailleurs à lui demander relativement à cette chère Jeanne, sa future belle-sœur, qu'elle n'avait jamais vue, et pour qui elle professait une affection tellement vive que si Marguerite avait été moins fière, elle aurait pu être jalouse de cette rivalité soudaine. Mrs. Shaw avait repris la conversation avec ses invités. Marguerite s'était mise à l'écart et vit les yeux de Henry Lennox se diriger vers la chaise qui était vacante auprès de la sienne. Elle savait bien qu'il viendrait l'occuper dès qu'Edith aurait fini de le questionner, et maintenant elle était sûre de passer une agréable soirée. Il partageait ses goûts et trouvait à causer avec elle autant de plaisir qu'elle en prenait à l'entendre. Elle l'accueillit donc avec un sourire plein de franchise lorsqu'il vint s'asseoir à côté d'elle. « Vous voilà bien occupée, » lui dit-il, « accablée d'affaires importantes, affaires de femme, veux-je dire, bien différente des miennes. La procédure et les châles n'ont rien de commun entre eux. Je savais bien que vous ririez de l'intérêt que nous prenions un objet de toilette, mais un cachemire n'est-il pas quelque chose de parfait dans son genre? Assurément, rien n'y manque. Le prix surtout m'en paraît admirable. » Les gentlemen arrivaient les uns après les autres, et le bourdonnement des voix commençait à devenir plus sonore et plus grave. « N'est-ce pas mercredi la dernière soirée que donne Mrs. Shaw avant le mariage ? demanda Mr. Lennox à Marguerite. « Oui, et j'espère bien qu'ensuite nous pourrons nous reposer, ce que nous n'avons pas fait depuis un temps infini. J'entends par là que nous n'aurons plus à nous remuer et que nous aurons terminé tous les préparatifs pour une circonstance qui nécessairement occupe la tête et le cœur de ceux qu'elle intéresse. Je serai bien contente d'avoir le temps de penser, et je suis sûre qu'Edith le désire autant que moi. Quant à elle, je n'en crois rien. Pour vous, c'est différent. La dernière fois que je vous ai rencontré, vous étiez entraîné par le tourbillon que les autres formaient autour de vous, et je ne suppose pas que vous y prissiez beaucoup de plaisir. Non, je vous assure, répondit Marguerite d'un air un peu ennuyé, au souvenir de l'agitation incessante qu'une foule de bagatelles avait causée depuis 6 semaines. « Je me demande, poursuivit-elle, si un mariage doit être nécessairement précédé de ce que vous appelez un tourbillon, ou si l'attente de ce grand jour ne devrait pas être plutôt une époque de calme et de tranquillité absolue. On abandonnerait à la marraine de Cendrillon le soin de faire le trousseau, de commander le repas de noces et d'écrire aux invités, dit en riant le jeune avocat. « Mais tout cela est-il bien nécessaire ? » demanda Marguerite en regardant en face Mr. Lennox. Elle éprouvait en ce moment une fatigue indicible de tous les arrangements auxquels Edith présidait depuis plus d'un mois. Il avait besoin qu'on aidât son esprit à associer au mariage quelques pensées agréables. « Sans doute, » répliqua Mr. Lennox d'un ton sérieux, « il faut accomplir toutes ces formalités. » Moins pour sa propre satisfaction que pour fermer la bouche aux gens du monde, qui sans cela troublerait votre repos. Mais comment voudriez-vous que la chose se passât ? Je n'y ai jamais songé. Quant à moi, j'aimerais mieux me rendre à l'église par un beau jour d'été, marchant à l'ombre sous les grands arbres, et sans avoir de fille d'honneur, de repas de noces, de préparatifs d'aucun genre. En un mot, je suis résolu à ne rien faire, en pareil cas, de tout ce qui m'assomme aujourd'hui. Je n'en crois rien. Une riche simplicité vous sied à merveille et s'accorde trop bien avec votre caractère. » Cette phrase ne convainc pas Marguerite. Elle se rappelait diverses circonstances où Mr. Lennox avait déjà parlé de son caractère d'une façon élogieuse qui lui avait déplu, et ne voulant pas entamer de discussion à cet égard, elle répondit seulement « Il est bien naturel que je pense à me marier à l'église de Helstone et que je fasse le projet d'y aller à pied plutôt que de songer à me rendre en voiture dans une église de Londres. « Parlez-moi de Helstone, » reprit Mr. Lennox. « Vous ne m'en avez pas fait la description et je serais bien aise de me figurer l'endroit que vous habiterez quand cette maison-ci va être abandonnée. Procédons par ordre. Est-ce une ville ou un village ? Un simple hameau. Une petite église entourée de quelques maisons, ou plutôt de cottages bâtis au milieu d'une prairie, et dont les murs sont couverts de rosiers. Qui fleurissent toute l'année, principalement à Noël. Achevez votre tableau, ajouta Mr. Lennox. Non, répondit Marguerite légèrement contrariée, il ne s'agit pas d'une décoration d'opéra, mais de Helstone que je vous décris tel qu'il est. N'est-ce pas là ce que vous voulez ? Je vous demande bien pardon, Marguerite, mais votre hameau semble appartenir beaucoup plus au roman qu'à la réalité. Précisément, tout ce que j'ai vu en Angleterre m'a toujours semblé si prosaïque et si triste en comparaison de New Forest, dit Marguerite avec ardeur. Helstone ressemble au village des poèmes de Tennyson, mais je n'essaierai plus de vous le décrire. Vous vous moqueriez de moi si je vous disais ce que j'en pense, et pourtant ce ne serait que la vérité. Je suis au contraire tout disposé à vous croire. Dites-moi ce qui m'intéresse encore plus que le village, comment est le presbytère ? Comment pourrais-je vous le dire, vous exprimer avec des mots tout le charme de cette demeure qui est la maison où je suis né, où l'on m'aime, où l'on m'attend ? Je me résigne. Vous êtes bien sévère ce soir, Marguerite. Moi, je n'en savais rien, dit-elle en tournant vers lui ses yeux pleins de douceur. Oui, parce que je vous ai fait une malencontreuse observation, tout à fait sans malice, vous refusez de me parler de votre pays, de votre maison, enfin de tout ce que je voudrais connaître. Mais vraiment, je ne puis rien vous en dire. On ne peut parler de son chez-soi qu'aux personnes qui l'ont vu. Eh bien, il s'arrêta un moment. Dites-moi ce que vous faites lorsque vous êtes là-bas. Ici, vous lisez, vous prenez des leçons. Vous travaillez d'une manière ou de l'autre pendant la matinée, puis vous sortez, à pied ou en voiture. Vous accompagnez votre tante et le soir, vous allez dans le monde avec elle. Mais à Hailstone, comment passez-vous vos journées? Montez-vous à cheval ou vous promenez-vous en voiture? Je me promène beaucoup, mais à pied. Nous n'avons pas de chevaux. Mon père visite à pied toute la paroisse, et la promenade est si belle que ce serait dommage de la faire en voiture. Vous occupez-vous de jardinage? C'est, je crois, l'un des passe-temps de la campagne, surtout pour les jeunes filles. Je n'y entends rien du tout, et d'ailleurs, je n'aimerais pas un travail aussi rude. Vous avez des concours d'archers, des pique-niques, des bals à l'époque des courses et des chasses? Je n'y vais jamais, dit-elle en riant. Le presbytère est d'un revenu fort mince, et quand même je pourrais jouir de tous ses plaisirs, je doute fort que je voulusse en profiter. Je vois bien que vous ne voulez pas me répondre, mais j'irai vous faire une visite avant la fin des vacances, et je verrai alors comment vous employez vos journées. J'espère que vous viendrez, et que vous jugerez par vous-même de la beauté de Hailstone. Mais voilà Edith au piano. Je vais lui tourner la page, d'autant plus que ma tante se fâcherait si nous causions pendant qu'on fait de la musique. Edith avait une exécution brillante. Elle se tirait à merveille du morceau qu'elle était en train de jouer, lorsqu'apercevant par la porte entrouverte le capitaine Lennox qui attendait qu'elle eût fini pour entrer dans le salon, elle jeta sa musique par terre et se précipita dans la pièce voisine, laissant Marguerite, confuse et rougissante, expliquer aux auditeurs surpris la cause de cette fugue imprévue. Le capitaine arrivait-il plus tôt qu'on ne l'attendait ou l'heure était-elle déjà si avancée? Chacun regarda sa montre et se retira bien et dûment choqué. Edith revint alors, toute rouge de plaisir, et introduisant d'un air à demi effarouché, à demi glorieux, son grand et beau capitaine. Monsieur Henry alla serrer la main de son frère, et Mrs. Shaw souhaita la bienvenue à son futur gendre, de la voix la plus aimable, où perçait néanmoins le ton plaintif que lui avait donné l'habitude de se considérer comme victime d'un mariage mal assorti. À présent que le général était mort, son existence était aussi douce que possible, et elle eût été fort embarrassée d'y trouver, je ne dis pas un chagrin, mais un sujet d'inquiétude. Cependant, à force de chercher, elle avait découvert que sa santé pouvait lui fournir un motif d'appréhension. Elle avait une espèce de toux nerveuse, quand elle y songeait bien, et quelques docteurs complaisants lui ordonna d'aller passer l'hiver en Italie, ce qui était précisément ce qu'elle désirait le plus au monde. Elle aurait bien pu aller à Naples sans l'ordonnance du médecin, mais elle n'aimait pas à faire les choses en avouant que c'était son bon plaisir. Elle préférait obéir à la volonté d'un autre qui la forçait à réaliser ses rêves. Elle se persuadait alors qu'elle subissait quelque dure nécessité et pouvait ainsi gémir sans scrupule tout en faisant ce qui lui plaisait davantage. Ce fut donc d'une voix dolente qu'elle parla de son voyage au capitaine. Sœur Lennox approuva, comme il le devait, les paroles de sa future belle-mère, tandis que ses yeux suivaient Edith, qui s'empressait de réorganiser la table de thé et ordonnait qu'on apportât toutes sortes de bonnes choses en dépit de tout ce que lui disait le capitaine, qui assurait avoir dîné quelques instants auparavant. Mr. Henry Lennox, debout au coin de la cheminée, s'amusait de cette petite scène d'intérieur. De toute sa famille remarquablement belle, lui seul était laid. Mais il avait la figure intelligente et mobile, le regard vif, pénétrant. Et Marguerite se demandait à quoi il pensait, tandis que, silencieux, il observait avec un intérêt évident, mais légèrement ironique, les préparatifs qu'elle faisait avec Edith. L'ironie était à l'intention de la complainte de Mrs. Shaw, et complètement étrangère aux actions des deux cousines. Il éprouvait au contraire un plaisir véritable à savoir Edith faire tous ses efforts pour préparer la collation, et pour montrer à son amant combien elle serait une bonne femme d'officier. Au moment de faire le thé, elle ne trouva pas l'eau assez chaude. Il fallut absolument qu'on lui montât la grande bouilloire de la cuisine, qu'elle alla recevoir à la porte et qui, trop lourde pour elle, lui fit faire une petite moue sérieuse, tacha de noir sa robe blanche et meurtrit sa petite main potelée qu'elle montra au capitaine et qui reçut le baiser qu'on applique aux bobos des enfants. Mais Marguerite avait rallumé l'esprit de vin et l'eau de la bouilloire du salon, plus chaude que celle de la cuisine, dut être préférée, bien qu'Edith ne trouvât pas que cela ressemblât assez à un campement de bohémiens, auquel, dans son esprit, elle assimilait la vie de caserne. Et ce ne fut plus, à dater du lendemain, que fracas et tourbillon jusqu'au jour du mariage.